La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. C'est le début du football collégial cette semaine et on va parler avec les deux instructeurs parce qu'il y a maintenant depuis seulement deux équipes. Nick Menacci, on va y parler aujourd'hui. Demain, on va parler avec François Laberge. On va parler d'abord avec les Cougars de Scoutimi parce qu'évidemment, il y a plusieurs joueurs de la région. Ils ont fait la manchette la semaine dernière avec trois joueurs qui sont suspendus. On en parle avec Nick Menacci. Salut Nick! Salut Danny. Nick, avant de parler de tout ça, je veux te parler de l'équipe des Cougars de Scoutimi. Ça va quand même assez bien. Tu étais confiant la dernière fois qu'on s'est parlé ce printemps. Il y a un quel entraînement? Comment ça a été? Es-tu toujours confiant? Oui, absolument. On est content. On a une belle équipe. On a une équipe nombreuse. On va avoir une équipe pleine à 55 joueurs. Okay. On a même eu à faire quelques coupures. Des joueurs qu'on va quand même garder là, auprès de l'équipe, mais... On a plusieurs joueurs, c'est le fun. Il y a une belle attitude, il y a une belle ambiance autour de l'équipe à l'heure actuelle. OK. La force d'équipe va se situer à quel endroit? J'ai de la difficulté à identifier à quel endroit, parce qu'offensivement, on va avoir du succès. Défensivement, même affaire. Okay. Je pense que défensivement, on est peut-être un petit peu plus mature. OK. Défensivement plus mature. Dis-moi, l'année passée, il y avait un manque de profondeur évident. Cette année, tu dois être content de voir ça. Oui, absolument. Ben, on a une profondeur, on a plusieurs joueurs. Et en plus, on a des joueurs à toutes les positions. Donc, on a trois carrières cette année pour commencer. On a 9 joueurs de ligne offensive. Donc, vraiment, on a un nombre de joueurs qui est vraiment bien. On espère juste rester en santé toute la saison. Puis en même temps, si on pouvait avoir nos joueurs là, qui transfèrent, c'est sûr et certain qu'on va être une équipe plus dangereuse dès la première semaine. Parlons-en de ces joueurs-là que tu vas transférer. Alexis, il y en a deux du Lac-Saint-Jean, Vincent Bouchard, Alexis, oui. Bradette. Ça a passé dans le quotidien la semaine dernière. Où en sont rendus la situation? Est-ce que ça a fait bouger les choses, cet article-là? Ça a fait bouger un petit peu les choses. L'entraîneur de Saint-Jean-sur-Richelieu, quand il a vu l'article, m'a appelé tout de suite. Il a communiqué avec moi pour me dire c'est pas l'information que j'avais donnée à ma responsable des sports. Nous, on voulait pas pénaliser le jeune, c'était pas notre but du tout. J'ai dit vraiment une belle démarche de la part de Jean-Philippe Bégin, du CGT des géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, vraiment très apprécié. Qui m'a dit on va faire le nécessaire pour que Alexis Bradette ne soit pas suspendu. Okay. Du côté des joueurs de CNDF, c'est silence radio. Bon, on s'en doute un petit peu. On connaît un peu les individus à qui on a affaire. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas de nouvelles. On espérait avoir un dénouement positif pour les jeunes, surtout. Mais à l'heure actuelle, il n'y a rien qui a bougé. OK. Puis tu as fait plusieurs représentations. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les représentations que tu fais? Ben, dans le fond, nous de base, c'est la plus facile, là. Je veux dire, on empêche des jeunes de jouer au football à l'heure actuelle. Okay. Pour un règlement. Je comprends qu'il y a un règlement en place. Par contre, il y a moyen de le contourner. Nous, mais de faire différemment plutôt. Nous, on a libéré 3 joueurs envers Jonquière, du Cégep de Scoutimi, dans la même région, dans la même ligue. On a envoyé 3 joueurs à Jonquière en disant ben voici des joueurs qu'on libère sans pénalité. Puis là, on a des joueurs qui partent de division 3 vers la division 1 qui ont des pénalités pour revenir à la maison, pour venir jouer à la maison. Sauver des coups, puis pour plusieurs raisons. Donc, peu importe les représentations qu'on a faites, on a de la difficulté à comprendre la logique derrière tout ça, parce qu'il n'y en a pas. OK. C'est probablement juste du bocage. Est-ce qu'ils sont frustrés de partir? Est-ce que c'était des joueurs qui avaient un rôle important dans l'équipe l'an passé? Ben Grégoire Martin, c'est un porteur de ballon qui a toujours eu beaucoup de temps de jeu au CNDS. C'est un gars, c'est un ancien porteur de ballon Team Québec, Team Canada. C'est sûr que peut-être que... Je sais pas, je pense que c'est peut-être au niveau de l'ego qu'il y a quelqu'un qui a été piqué à quelque part, que 3 joueurs du CNDF décident de revenir. Alexandre Tanguy, c'est un très bon joueur. Même chose pour Vincent Mouchard. Donc, c'est des gars qui vont avoir un impact avec l'équipe rapidement. Okay. Maintenant, leur décision, la raison du pourquoi, le comment du pourquoi, je suis pas capable de me l'expliquer, puis je suis pas capable de comprendre ça, parce que automatiquement, moi, juste le fait d'empêcher un joueur de jouer au football, c'est quelque chose qui fait pas de sens pour moi. Ben ouais, c'est sûr. Surtout que, écoute bien, là, surtout qu'il voulait revenir ici. Ça a-tu paru le fait qu'Alma, écoute, on n'a pas d'histoire, ça disait tout le temps qu'il y avait une équipe de trop dans la région. Est-ce que le fait qu'Alma sont disparus, c'est plate en maudit, là, au départ, là, mais ça a-tu paru? Ben, moi, personnellement, ça n'a pas changé grand-chose. Mis à part que ça nous a donné accès à aller chercher des entraîneurs de qualité aux Janois. Ouais. Au niveau des joueurs, nous, Concrètement, ça nous a apporté un joueur recru de Chibougamau, qui, au lieu d'aller à Alma, a décidé de joindre les Cougars, de s'en venir avec nous après cette situation-là. Sinon, des joueurs qui ont joué pour Alma l'année passée, nous autres, on n'en a pas supplémentaire. On avait déjà fait notre recrutement joueur français, donc c'est sûr et certain que c'était plus difficile pour nous là, d'aller se lancer vers des nouveaux joueurs français. Donc, pour l'instant, nous, ça n'a pas vraiment d'impact. C'est sûr que le lien entre le cégep de Jonquière et le Alma à l'heure actuelle a fait qu'il y a des joueurs qui sont allés là-bas, de ce que j'ai entendu. Mais sinon, pour nous, au niveau des joueurs, ça ne change pas grand-chose à l'heure actuelle. OK. On va parler maintenant des joueurs de la région, maintenant, du Haut-du-Lac, comme on fait tout le temps. Tu en as plusieurs cette année, c'est ça? Oui, j'en ai plusieurs. J'en ai toujours quelques-uns. Des joueurs qui ont joué leur football scolaire à Saint-Étienne, j'ai Marc-Antoine Jean. Oui, c'est vrai, encore une fois, qui est d'accord. J'ai Marc-Antoine Jean, ouais, il joue sa quatrième année avec lui. Lui, il devrait être un leader en technique informatique. Ouais, il devrait être ton leader, ça? Absolument. C'est un gars de quatrième année, c'est un gars que ça fait longtemps qu'il est dans l'équipe, qui sait comment je fonctionne, qui est ici depuis ma première année. Donc Marc-Antoine est arrivé à ma première année, là. Donc il me reste trois joueurs de cette époque-là qui ont vécu là, ma première année avec moi. C'est des gars qui étudient en ce moment en technique, donc qui vont finir, là, qui vont graduer cette année. Okay, okay. Donc Simon Grimard également sur la ligne offensive, qui est un joueur de qui a joué pour les Centurions de Saint-Félicien. Après ça, au niveau demi-défensif, on a Alexis Thibault. Qui est un très bon joueur également. On a Maxime Guy qui a joué pour les Centurions. Ouais. On a Vincent Rodrigue également qui a joué pour les Centurions. Après ça, ben Alexis Bradette puis Vincent Bouchard qui sont là dans nos transferts, qui sont des joueurs également qui ont été formés aux Centurions Saint-Christophe. Bon, ben on va apprendre à les connaître parce que comme les autres années, il y aura une chronique encore une fois sur les joueurs de football, fait qu'on va apprendre à les connaître un petit peu, Nick. Donc le premier match en fin de semaine, vendredi, c'est ça? Yes, premier match samedi le 24 août. Le premier match est à Victoriaville. Victoriaville, évidemment. Donc, je pense que la division est refaite avec la perte d'Alma. Hein? Ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement, au lieu de rajouter une équipe, de changer une équipe du Sud-Ouest et de refaire des calendriers qui étaient déjà établis, ils ont décidé de créer un déséquilibre, ce qui n'est pas une mauvaise chose là, dans la situation actuelle puis pour cette année. Donc, du côté Sud-Ouest, ils seront 7 équipes. Nous autres, de notre côté, on sera 5 équipes. Ah, des matchs interclubs. Donc, on va jouer deux matchs contre nous. C'est une bonne chose, c'est le fun, ça? Oui, ben c'est le fun. Ben, on joue toujours deux matchs contre les Janois, deux matchs contre Jonquière. On joue toujours deux matchs contre nos rivaux régionaux. Puis on avait un match à jouer aussi contre une équipe de l'extérieur. Donc, soit deux matchs contre la Pocatière ou soit deux matchs contre Rimouski. Donc, on avait toujours une équipe contre qui on jouait deux matchs. Maintenant, ce que ça fait, c'est que on joue deux fois contre toutes les équipes de la section nord-est. Donc il n'y aura pas la parité. D'après moi, ça va être une bonne saison là, dans le nord-est. Il va y avoir des bonnes équipes. Victoriaville va avoir une bonne équipe. Rimouski va avoir une bonne équipe. La Pocatière devra avoir une bonne équipe aussi. Ils ont eu un bon recrutement dans les dernières années. Okay. Jonquière devrait être encore une bonne équipe. Ils sont champions du Val-d'Or. Donc, ils devraient avoir encore une bonne équipe. Puis nous, on devrait être capable de se placer là-dedans puis de compétitionner avec n'importe qui à l'heure actuelle. OK. Donc, on se reparle, Nick, tout au long de la saison? Parfait, super Danny, merci beaucoup. Voilà l'instructeur chef des Cougars de Chicoutimi, Nick Ménatchuk.